23-12, observation. Incertitude, inquiétude. Je me demande où est Mireille. Je me demande ce qu'elle fait. Je me demande si elle sera chez les Courtois. Je me le demande.